Isanganiro. Il est midi 55 minutes. À la cabine technique, vous êtes avec Albert Adouaï au micro. Sébastien Boutoui, bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à l'écoute de cette édition de la mi-journée dont voici les grands titres. Le retour du troisième sommet des chefs d'État de l'EAC relatif à la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Le président burundais annonce que ses chefs d'État ont ordonné au mouvement rebelle M23 de déposer les armes dans l'immédiat. Et à l'occasion du lancement officiel de la semaine dédiée à l'industrialisation, le vice-président du Burundi souhaite que le Burundi crée un environnement favorable aux investissements et la chronique santé de ce mardi parle de la schizophrénie. Voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, bonsoir, journal et par la page sécurité. Les chefs d'État de la communauté est-africaine ordonnent le mouvement Rebelle M23 à un cessez-le-feu immédiat et au retrait des positions prises, en l'occurrence la ville de Bunagana. De retour du troisième sommet des chefs d'État de cette communauté relatif à la situation sécuritaire à l'est de la RDC, tenu à Nairobi ce lundi, le président burundais Evariste Ndayishimiye a également déclaré que les chefs d'État se sont inscrits en faux contre la propagation des messages de haine fondés sur l'ethnie. Suivez-le. Au niveau sécuritaire, il y a un mouvement M23 qui a continué les hostilités et on a analysé la situation de ce mouvement. Après analyse, on a conclu d'abord de prendre des injonctions que les hostilités doivent cesser immédiatement et que le mouvement M23 doit regagner sa position d'avant la décision des chefs d'État. Chose que nous espérons qui va être respectée parce qu'en analysant sa situation, on a espoir que ce mouvement va cesser les hostilités et retourner aux positions sur lesquelles ils étaient avant. Après cela, on a analysé le rapport de l'état d'avancement sur la planification et l'opérationnalisation du plan de stabilisation, de sécurisation de la région de l'Est de la RDC. Nous sommes réjouis que les chefs des forces de défense se sont entendus d'abord sur l'organisation de la force régionale et dans sa structure, tous les pays se sont convenus. Chacun maintenant connaît le service qu'il va occuper et ils se sont entendus. En même temps, dans le cadre de déploiement, de l'articulation et de la répartition des missions de chaque unité de chaque pays, maintenant chaque pays sait où il va occuper, où ces opérations vont s'étendre. C'est-à-dire maintenant, on a adopté à l'unanimité le plan d'opération conjointe qu'on a déjà mis en place. Nous avons félicité les chefs des forces de défense des pays de la région de la communauté de l'Afrique de l'Est d'avoir pu réussir ce pari. Et maintenant, c'est le moment de la mise en œuvre. On a recommandé qu'immédiatement, ils vont se déployer pour qu'il y ait la paix dans l'immédiat. Et nous espérons que maintenant, les chefs des forces vont aller maintenant à l'œuvre et nous comptons sur eux. Après tout cela, on a discuté sur la situation générale. On a trouvé qu'il y en a des personnes qui pêchent à nos troubles, qui ont commencé à divulguer des discours de haine, et surtout sur base ethnique, alors que nous savons comment cette idéologie a blessé la région des Grands Lacs. On a recommandé que tout cela doit cesser. S'il y a des gens qui vont continuer à faire cette propagande de haine ethnique, qu'ils soient punis. Et en page commerce, la production des investisseurs burundais doit impliquer une valeur ajoutée. Lors du lancement officiel de la semaine dédiée à l'industrialisation ce mardi, le vice-président de la République du Burundi, Prosper Abazombanza, précise que le Burundi, à son tour, doit créer un climat favorable aux investissements. Suivez-le au micro de Jean-Marie Mayonga. Les investisseurs burundais doivent s'assurer que leur production implique une transformation ou une valeur ajoutée suffisante. À cet effet, le Burundi devra chercher donc à redynamiser sa production, accroître ses exportations et créer un environnement favorable aux investissements, tant nationaux qu'étrangers, à travers les petites et moyennes entreprises. Concrètement, le gouvernement du Burundi est actuellement à pied d'œuvre pour remplir ses conditionnalités et ceci s'observe à travers différents projets de développement en train d'être exécutés à travers tout le pays par la population et particulièrement les jeunes regroupés en associations ou en coopératives. En outre, le Burundi continue d'améliorer le climat des affaires, le renforcement du cadre légal et réglementaire pour appuyer le développement du secteur industriel, le renforcement des capacités des agences de contrôle de la qualité, l'augmentation des investissements dans le secteur de l'énergie et dans le secteur du transport, le projet de construction du chantier naval, la construction du terminal frigorifique à l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura, ainsi que le projet du chemin de fer Uvinza Musonga Tigitega Kindu, l'extension de l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura, etc. À l'occasion de ce même lancement officiel de la semaine dédiée à l'industrialisation au Burundi, le manque de main d'œuvre est qualifié, le défaut de certification des produits industriels, l'insuffisance des infrastructures de base comme les TIC et énergétiques sont des grands défis auxquels les font face le secteur industriel burundais, inventeur d'olivier Suguru. Il y souhaite pour ce une réforme structurelle du bureau burundais de normalisation et l'opérationnalisation de la zone économique spéciale suivez-le. L'Association des industriels du Burundi ne le dira jamais que son rendez-vous revêt une importance particulière car il témoigne non seulement du dynamisme de nos industries, de nos entreprises, mais aussi de la vigueur des coopératives dont nous saluons tous nos vœux de participation. Les industries et entreprises qui procurent des revenus, de l'emploi et qui contribuent à la croissance du Burundi. Aujourd'hui et jusqu'au 26 juin, plus de 100 exposants dont vous représenteront la richesse et la diversité de l'économie locale et régionale, les industries et les autres vous feront découvrir les produits, leur savoir-faire ainsi que des occasions de nouer des relations d'affaires. Au terme de cette semaine, des solutions à certains défis seront proposées et d'autres trouveront des réponses au fur et à mesure de la mise en œuvre de la stratégie de la politique régionale de l'industrialisation, tout en risquant de nous répéter. Nous pouvons citer entre autres le manque de la main-d'œuvre qualifiée, l'absence de la créativité, le défaut de certification de nos produits, un faible accès aux ressources financières à long terme, une insuffisance d'infrastructures de base, de l'énergie, des TIC, de l'eau et j'en passe. C'est pourquoi nous en profitons pour réitérer notre demande de travailler en synergie et d'HP pour, premièrement, une réforme profonde de structure et structurelle du BBM pour son harmonisation avec les bureaux de l'IAC, à l'instar de l'OBR. Rendre opérationnelle et profitable la zone économique spéciale, la vulgarisation et l'appropriation des lois sur la contrefaçon et la propriété industrielle, l'appui profond de l'Agence de développement du Burundi, la création et l'opérationnalisation d'un centre d'excellence de recherche et développement pour contribuer à la problématique inadéquation formation emploi. Malgré cette multitude de défis, la détermination et l'engagement du gouvernement pour l'industrie burundaise nous motive et nous encourage à œuvrer pour leur élimination progressive, si pas à leur réduction. En travaillant main dans la main, en tirant sur la même corde, les industriels, les acteurs économiques et les acteurs politiques, ensemble, nous y parviendrons. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h passé de 4 minutes au studio de la radio Isanganiro. Le journal est continué en page transport. La circulation routière est interrompue depuis la mi-journée de ce lundi au point kilométrique 32 de la RN3 Rumonge-Bujumbura au niveau de Kavogangwe sur la colline Rutunga de la commune Emohut en province Rumonge. Le terrain a glissé obstruant du coup cette route selon Domiti Renonzonima, l'administrateur de cette commune Emohut. Cette autorité dit qu'un engin y est dépêché par l'entreprise Sogea Satom réhabilitant cette route mais n'avait pas réussi à dégager cette route à 17h de son lundi. Les informations obtenues au niveau de Sogea Satom indiquent qu'il n'y a aucune alternative que d'y envoyer d'autres engins en renfort pour normaliser la situation. Et une vingtaine de personnes ont assiégé le bureau de la province de Bubanza ce mardi, réclamant un salaire de plus de 40 millions de francs burundais. Ils disent qu'ils travaillaient dans une société bioénergie en commune Manda qui fabriquait de la tourbe fournie dans l'armée burundaise. Quand la société a fermé ses portes, l'employeur est parti sans payer tout le personnel, comme ils le disent. Le conseiller juridique du gouverneur explique qu'il a essayé de concilier les deux parties, mais sans succès. Et les conseils, ces personnes à saisir la justice, les détails avec Space Caritas Kavanyan. Ils ont assiégé les bureaux de la province de Bubanza ce mardi matin. Ils sont au nombre de 24 ouvriers qui disent qu'ils réclament un salaire total de 48 millions de francs burundais. Ils ont travaillé dans la société appelée Bioénergie qui fabriquait de la tourbe en commune Manda, de la tourbe qui était vendue au ministère de la Force de Défense Nationale, comme ils le disent. Dès que ce ministère a commencé à fabriquer de la tourbe, cette société Bioénergie a fermé ses portes. Certains ouvriers ont reçu leur salaire, les autres attendaient jusqu'aujourd'hui. Et sont au nombre de 24. Célestin Sabumugisha, l'un des employeurs, nous a précisé au téléphone que ces ouvriers ne sont pas encore payés car le ministère de la Force de Défense Nationale auquel ils fournissaient de la tourbe n'a pas encore payé. Nadine Nibitanga, administrateur de la commune Manda, indique qu'elle a essayé de demander à l'employeur de donner à ses ouvriers leur salaire, mais sans succès. Elle a remis la question aux autorités provinciales. De son côté, le conseiller du gouverneur chargé des questions juridiques nous a précisé, elle aussi, qu'elle a tout fait pour concilier les deux parties, mais en vain. L'employeur expliquant qu'il réclame lui aussi d'énormes sommes auprès du ministère de la Force de Défense Nationale. Ce qui reste est que la partie les saisisse la justice selon le conseiller juridique du gouverneur de Bubanza. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Space Caritas Kabanyana, quittons la province de Bubanza pour nous rendre en province Ngozi où des éleveurs de cette province s'inquiètent de l'accouplement de leurs animaux domestiques en chaleur en absence de taureaux à cause de la fièvre et de la vallée du Rift. Ils déplorent que cette maladie ait occasionné l'interdiction de tout mouvement de bétail. Innocent Akirutimana, chargé du suivi et évaluation au bureau provincial en charge de l'élevage, conseille à ses éleveurs d'approcher les responsables de ce bureau pour les orienter chez les inséminateurs artificiels, bien qu'ils soient rares. Les détails avec Apollinaire Muzagar. Ces grognes des éleveurs font parler d'eux dans les communes Mumba, Usiga, Ngozi, Gashikanwa et ailleurs. Selon eux, des vaches, chèvres et moutons vont en chaleur mais ne trouvent pas de mal pour la monte naturelle suite à la décision interdisant tout mouvement de ces bêtes afin d'éviter la propagation de la fièvre de la vallée du Rift qui menace bon nombre de cheptels bovins, caprins et ovins. Ces éleveurs craignent la stérilité de leurs bêtes si la situation perdure. Le chargé du suivi et évaluation au bureau provincial en charge de l'environnement, agriculture et élevage, en même temps, inséminateur demande à ses éleveurs d'en informer les responsables du BPAE et les vétérinaires communaux en cas de besoin en vue de chercher des inséminateurs artificiels proches. Innocent Nakirutimana indique tout de même que le problème reste posé sur les chèvres et moutons qui ne sont jusqu'à présent pas inséminés. Ses éleveurs demandent plutôt des vaccins ou autres traitements afin que le bétail puisse sortir, car selon eux, ces inséminateurs ne peuvent pas se présenter partout dans la province, du moment qu'ils ne sont qu'à 5 Angos, Dongozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Retournons à Bujumbura où l'Assemblée nationale est en train d'analyser la loi portant fixation du budget général de l'État 2022-2023 de plus de 2 000 milliards. C'est au moment où ce budget passe de plus de 2 500 milliards au cours de l'exercice 2021-2022, soit une augmentation de 40%. Le ministre des Finances, Domitien Diokoubra, a fait savoir que les domaines prioritaires que ce budget va couvrir sont notamment l'agriculture et l'élevage, la santé publique et l'infrastructure socio-économique, l'emploi des jeunes et la protection sociale des vulnérables et la paix et la réconciliation. Et en page culture, les musiques burundaises, et plutôt la musique burundaise a connu une évolution comparativement à la musique d'il y a 20 ans. À propos de Jérémy Akeshimana, auteur, compositeur et producteur professionnel de plus de 20 ans, au moment où ce mardi, le 21 juillet, le monde célèbre chaque année la fête de la musique, Jérémy Akeshimana déplore néanmoins la non-exportation de la musique burundaise à l'étranger de la part des artistes en raison de méconnaissance et le droit d'auteur qui n'est pas mis en vigueur, chose qui développerait les artistes mais également renflouer les caisses nationales. C'est ce mardi dans une conférence de presse à l'endroit des journalistes culturels. Et à l'occasion de cette même journée, les artistes et musiciens congolais pensent que les compositeurs congolais devraient chercher d'autres sujets à part le sexe, l'argent et l'amour, mais plutôt la paix, l'unité, le développement. Patient P. Carré suggère également la musique en des langues et parlée par toute la sous-région des Grands Lacs comme le Kiswahili et le français. Radio Isanganiro, chronique santé. La schizophrénie est une maladie chronique qui perturbe le système de transmission des messages dans le cerveau. Elle est liée à plusieurs facteurs, dont l'hérédité. Le psychiatre Angelus Nindeleye indique que les personnes atteintes de schizophrénie perdent la capacité d'agir correctement et de penser clairement. Les détails avec Ornella Mucho. La schizophrénie fait partie des psychoses et elle est la plus contraignante parmi d'autres. Docteur Angelus Nindeleye, psychiatre, indique que la psychose schizophrénique est un trouble mental dont les causes directes restent inconnues. Toutefois, les hypothèses ont été inventoriées, entre autres l'hérédité et le stress. Les spécialistes, en fait, disent qu'il y aurait plusieurs causes à la fois. Par exemple, l'hérédité, l'environnement. L'environnement, ça englobe beaucoup de choses. Il y a le stress, il y a la façon dont le patient a vécu, il y a la consommation de substances psychoactives, son enfance, et surtout, en fait, l'environnement familial, les parents, la mère, comment ils sont. Mais les scientifiques aussi disent qu'il y aurait, au niveau du cerveau, un dysfonctionnement neuronal qui peut être l'un des facteurs qui peuvent expliquer aussi la survenue de la maladie. Les symptômes sont variés, mais les plus connus sont les délires et les hallucinations, qui sont des symptômes dits positifs, c'est-à-dire des manifestations qui s'ajoutent aux fonctions mentales habituelles d'un individu. Les premiers symptômes sont surtout liés à la façon dont le patient se comporte dans la société. Il y a les hallucinations, voir des choses qui n'existent pas et sentir sur son corps des choses qui n'existent pas. Donc, il y a aussi des troubles du langage où le patient, en fait, s'exprime d'une façon un peu bizarre. Donc, souvent, il va émettre des réponses qui ne sont pas cohérentes. Et à côté de ces troubles du langage, on observe un symptôme très important, ce qu'on appelle le délire, qui est en fait une façon de penser, d'agir, qui est contraire à la réalité commune. C'est-à-dire, le patient admet et croit à une vérité qui n'en est pas une. Il va par exemple croire à un complot, le membre de la famille qui veut le tuer. Les mouvements affectifs s'ajoutent à ces symptômes observés chez le schizophrène. Il y a aussi alors des symptômes dits négatifs. C'est ce que en fait le patient a de moins que la personne qui est normale. Par exemple, ce qu'on appelle les mouvements affectifs, le fait de perdre les émotions, les sentiments, l'amour, la haine. Donc, un patient qui souffre de la schizophrénie, à un certain moment, n'éprouve ni haine, ni amour. Il y a aussi des symptômes comme l'apathie. Le patient, en fait, on va l'observer. Il est là, il est comme vide, donc il n'interagit pas plutôt avec le monde environnant. Les jeunes âgés de 15 à 35 ans sont les plus touchés par cette maladie. Les complications et les prises en charge seront expliquées dans notre prochaine chronique santé. Merci. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaye pour sa parfaite collaboration. Vestine Boutoui, j'étais à la présentation. Au revoir. Passez une bonne journée.